Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Alain Fournier est mort à la guerre, quelque part dans la Meuse, en septembre 14. Il avait 27 ans. Il restera pour l'éternité l'écrivain d'un seul roman qui a transporté des générations de jeunes et aussi de moins jeunes lecteurs. Il gardera pour toujours le visage du très jeune homme fixant droit à l'objectif du photographe, le menton posé sur un point fermé. Des photographies d'Alain Fournier, il en existe bien d'autres, en collégien, en costume, portant chapeau ou pas, plus jeune ou plus âgé, en civil et en militaire, portant moustache. Mais c'est cette photographie que l'on a voulu retenir, celle d'un adolescent pour l'éternité qui nous regarde droit dans les yeux depuis l'autre monde. Le Grand Môle a été publié en 1913. S'il manqua de peu le Goncourt, il rencontra immédiatement un grand succès. Depuis son édition de poche en 1971, qui porte le numéro 1000, il s'en est vendu en France plus de 5 millions d'exemplaires. En 1950, sur la chaîne nationale, Jean de Bucourt en lisait quelques pages. Dès qu'il eut disparu, l'écolier sortit de sa cachette. Il avait les pieds glacés, les articulations raides, mais il était reposé et son genou paraissait guéri. Descendre au dîner, pensa-t-il, je ne manquerai pas de le faire. Je serai simplement un invité dont tout le monde a oublié le nom. D'ailleurs, je ne suis pas un intrus ici. Il est hors de doute que M. Maloyot et son compagnon m'attendaient. Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il put y voir assez distinctement dans la chambre, éclairée par les lanternes vertes. Le bohémien l'avait garni. Des manteaux étaient accrochés au patère. Sur une lourde table à toilette, au marbre brisé, on avait déposé de quoi transformer en muscade tel garçon qui eût passé la nuit précédente dans une bergerie abandonnée. Il y avait sur la cheminée des allumettes auprès d'un grand flambeau. Mais on avait omis de cirer le parquet. Et Maulne sentit rouler sous ses souliers du sable et des gravats. De nouveau, il eut l'impression d'être dans une maison depuis longtemps abandonnée. En allant vers la cheminée, il faillit buter contre une pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles et se pencha pour regarder. C'étaient des costumes de jeunes gens il y a longtemps. Des redingotes à haut col de velours, de fins gilets très ouverts, d'interminable cravate blanche et des souliers vernis du début du siècle. Il n'osait rien toucher du bout des doigts, mais après s'être nettoyé en frissonnant, il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le collet plissé, remplaça ses souliers ferrés par de fins escarpins à vernis et se prépara à descendre une tête. Il arriva sans rencontrer personne au bas d'un escalier de bois dans un recoin de cour obscure. L'haleine glacée de la nuit vint lui souffler au visage et soulever un pan de son manteau. Il fit quelques pas et, grâce à la vague clarté du ciel, il put se rendre compte aussitôt de la configuration des lieux. Il était dans une petite cour formée par des bâtiments, des dépendances. Tout y paraissait vieux et ruiné. Les ouvertures au bas des escaliers étaient béantes, car les portes depuis longtemps avaient été enlevées. On n'avait pas non plus remplacé les carreaux des fenêtres qui faisaient des trous noirs dans les murs. Et pourtant, toutes ces bâtisses avaient un air mystérieux de fer. Une sorte de reflet coloré flottait dans les chambres basses où l'on avait dû allumer aussi, du côté de la campagne, les lanternes. La terre était balayée On avait arraché l'herbe envahissante. Enfin, en prêtant l'oreille, Maul crut entendre comme un chant, comme des voix d'enfants et de jeunes filles, là-bas, vers les bâtiments confus où le vent secouait des branches devant les ouvertures roses, vertes et bleues des fenêtres. Il était là, dans son grand manteau, comme un chasseur à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin qu'on aurait cru désert. Il avait un chapeau de forme très cintré qui brillait dans la nuit comme s'il eût été d'argent. Un habit dont le col lui montait dans les cheveux, un gilet très ouvert, un pantalon à sous-pieds. Cet élégant, qui pouvait avoir 15 ans, marchait sur la pointe des pieds comme s'il eût été soulevé par les élastiques de son pantalon, mais avec une rapidité extraordinaire. Il salua Maul au passage, sans s'arrêter, profondément, automatiquement, et disparut dans l'obscurité vers le bâtiment central, ferme, château ou abbaye, dont la tourelle avait guidé l'écolier au début de l'après-midi. Après un instant d'hésitation, notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de cour, une grande cour jardin, passèrent entre les massifs, contournèrent un vivier enclos de palissades, un puits, et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale. Une lourde porte de bois, arrondie dans le haut et cloutée comme une porte de presbytère, était à demi ouverte. L'élégant s'y engouffra. Maul le suivit, et dès ses premiers pas dans le corridor, il se trouva sans voir personne, entouré de rires, de chants, d'appels de poursuite. Tout à coup, au bout de celui-ci, passait un couloir transversal. Maul hésitait s'il allait pousser jusqu'au fond ou bien ouvrir une des portes derrière lequel il entendait un bruit de voix lorsqu'il vit passer dans le fond deux fillettes qui se poursuivaient. Il courut pour les voir et les rattraper à pas de loup sur ses escarpins. Un bruit de porte qui s'ouvre, deux visages de 15 ans que la fraîcheur du soir et la poursuite ont rendu tout rose sous de grands cabriolets à brides, et tout va disparaître dans un brusque éclat de lumière. Une seconde, elles tournent sur elles-mêmes, par jeu. Leurs amples jupes légères se soulèvent et se gonflent. On aperçoit la dentelle de leurs longs, amusants pantalons. Puis, ensemble, après cette pirouette, elles bondissent dans la pièce et referment la porte. Maul reste un moment ébloui et titubant dans ce corridor noir. Il craint maintenant d'être surpris. Son allure hésitante et gauche le ferait sans doute prendre pour un voleur. Il va s'en retourner délibérément vers la sortie, lorsque de nouveau, il entend dans le fond du couloir un bruit de pas et des voix d'enfants. Ce sont deux petits garçons qui s'approchent en parlant. « Est-ce qu'on va bientôt dîner ?» leur demande Maul avec aplomb. « Viens avec nous, » répond le plus grand, « on va t'y conduire. » Et, avec cette confiance et ce besoin d'amitié qu'ont les enfants, la veille d'une grande fête, ils le prennent chacun par la main. Ce sont probablement deux petits garçons de paysans. On leur a mis leurs plus beaux habits de petites culottes coupées à mi-jambe, qui laissent voir leurs gros bas de laine et leurs galoches, un petit juste au corps de velours bleu, une casquette de même couleur et un nœud de cravate blanc. « Le connais-tu, toi ?» demande l'un des enfants. « Moi ?» fait le plus petit, qui a une tête ronde et des yeux naïfs. Maman m'a dit qu'elle avait une robe noire et une collerette et qu'elle ressemblait à un joli Pierrot. « Qui donc ?» demande Maul. « Eh bien, la fiancée que Franz est allée chercher. » Avant que le jeune homme ait rien pu dire, ils sont tous les trois arrivés à la porte d'une grande salle où flambe un beau feu. Des planches en guise de table ont été posées sur des tréteaux. On a étendu des nappes blanches et des gens de toutes sortes dînent avec cérémonie. Jean de Boucourt lisait quelques pages du Grand Maulne pour l'émission Heure de culture française, diffusée pour la première fois le 10 août 1950. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.